Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, voyage en agnotologie, pays de la science et de l'ignorance. Une série de Franck Cuvelier réalisée par Rafik Zénine. Au départ de cette série, il y a la stupéfaction, toujours renouvelée, que parfois on nous ment ou qu'on nous enfume sur les dangers de la cigarette, les effets des néonicotinoïdes ou les tests effectués sur les moteurs diesel. Et qu'heureusement, souvent, il y a quelqu'un d'un peu trop seul au départ qui le fait savoir et n'oublie pas ce que peut produire l'appât du gain. Et puis il y a la religion de la science ou au contraire ceux qui voient des mensonges et des complots partout et qui eux aussi sèment le doute. Et puis parfois, il y a qu'on oublie, ou pire, qu'on préfère ne pas savoir, comme l'autruche qui dort en chacun d'entre nous. Et quelquefois, c'est même encore plus compliqué que ça. Alors pour commencer, les personnages. Un astrophysicien qui sait ce qu'il ne sait pas, un physicien mordant et prétentieux, un prix Nobel patient, un psychosociologue, une philosophe qui traque la vérité, Galilée, un gros menteur et un neurologue face au risque de la nouveauté. Ensuite, le décor. Le planétarium, les expériences de Milgram, des questions sans réponse, le vide, l'art de poser des questions, l'ignorance fructueuse, des salles de classe, l'ICM et une incroyable expérience neurologique. Aujourd'hui, troisième épisode, on regarde les étoiles. Bonjour à tous. Bienvenue au planétarium de la Cité des sciences et de l'industrie. Bienvenue à cette animation où nous allons parler du ciel au Moyen-Âge, donc cette période qui se situait entre l'an 500 et l'an 1500, et on va s'intéresser au ciel de cette époque. Je vous souhaite une bonne animation. Nous sommes pour le moment dans l'espace et nous allons nous rapprocher de la planète Terre. Alors pour le moment, vous pouvez voir en face de vous le système solaire dans une représentation très moderne. D'ailleurs, c'est sûrement cette représentation-là que vous connaissez, que vous avez vue à l'école, dans des livres, ou encore dans certains films. Au centre, il y a le Soleil et 8 planètes lui tournent autour. Eh bien, pendant cette animation, je vais vous demander un effort pas forcément évident à faire. Il va falloir oublier cette représentation du système solaire. Car nous allons atterrir sur Terre au début du Moyen-Âge, à une époque où les hommes avaient une représentation complètement différente du cosmos. Quand on préfère ne pas savoir, Franck Cuvelier, Rafik Zénine. Alors, David Elbaz, on est à la Cité des Sciences et on est juste à côté du planétarium. Vous êtes astrophysicien ou vous êtes spécialiste en cosmologie? Enfin, vous allez nous dire exactement ce que vous faites. David, la question qu'on a en voulant vous rencontrer, elle est la suivante, puisqu'on s'intéresse à l'ignorance. Est-ce que l'ignorance scientifique, est-ce que la production d'ignorance scientifique a quelque chose à voir avec l'astrophysique et la cosmologie? Ou, dit autrement, est-ce que la cosmologie, l'ignorance lui va bien? L'ignorance, c'est fait partie de la connaissance en astrophysique et en cosmologie en particulier. Quelque part, l'ignorance, c'est le nom qu'on peut donner à ce qu'on ne connaît pas encore et ce qui va nourrir la faim de savoir, le désir de savoir. Et on vit une époque assez particulière par rapport à cette question de l'ignorance qui nous met dans une situation un peu périlleuse quand on parle de science au grand public. Parce que on nomme notre ignorance avec des noms, trous noirs, matière noire, énergie noire. On quantifie l'ignorance. On est capable aujourd'hui de mesurer le degré d'ignorance avec une précision plus fine que ce qu'on connaît. Donc on est dans une situation qui est périlleuse, parce que les gens qui entendent ça, et quand on leur dit « voilà, on mesure à 95% le degré de notre ignorance, comme si on le connaissait, alors qu'on parle de ce qu'on ne connaît pas », c'est ambigu, et ils finissent par dire « bah finalement, si c'est que 5% qui reste, ça a servi à quoi tout ça ?» Et certains de mes collègues disent « mais il faudrait peut-être pas le dire ». Alors qu'en réalité, la science, c'est l'art de savoir poser des questions justes. Et lorsque vous faites l'ascension d'une montagne, vous avez une vue plus vaste. Est-ce que ça veut dire que vous en savez moins? Ou est-ce que ça veut dire que vous savez nommer ce qu'il reste à connaître et à explorer? Voilà. Donc, la science, aujourd'hui, elle flirte avec l'ignorance qui la nourrit, qui participe à l'évolution de la connaissance. Et c'est un défi pour nous, face au grand public, parce que parfois, la connaissance est compliquée et l'ignorance est plus facile à nommer, et on pourrait penser qu'on ne sait rien, même si on a beaucoup appris. Le télescope détecte d'autres galaxies, par milliers, par millions, par milliards. Une fois repérées sur la sphère céleste, les scientifiques peuvent les positionner en fonction de leur distance et dessinent une cartographie de l'univers en trois dimensions. En l'observant avec soin, on distingue des formes curieuses, des regroupements de galaxies en amas, en feuillets, en mûres, en filaments. On y découvre aussi de gigantesques bulles, des portions d'espace-temps apparemment vides d'objets, vides de toute matière lumineuse. Ce qui a formé la matière des premières étoiles se trouverait-il dans cet espace extragalactique que l'on appelle trop vite le vide ? Les trous noirs et la matière noire, ça a quand même été une question qui a précipité cette appétence pour l'ignorance, puisque finalement c'était nommé ce qu'on ne connaissait pas et c'était difficile de l'accepter. Est-ce que vous pouvez revenir sur la façon dont cette invention scientifique, qui sont les trous noirs et la matière noire, est advenue ? Oui, alors c'est deux histoires qui sont assez différentes, hein. Celle des trous noirs qui ont d'abord été imaginées, et même Einstein lui-même a eu du mal à accepter l'idée de trous noirs, c'était vraiment troublant comme on dit, hein. Mais pour la matière noire, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez sympathique, c'est dans le caractère de celui qui a vraiment nommé pour la première fois ce qu'il a appelé dunkle materie, matière sombre ou matière noire, qui s'appelle Fritz Zwicky, qui est un personnage très particulier. Il traitait ses collègues d'abrutis sphériques. Et quand on lui demandait « Mais pourquoi sphérique ?», il disait « Parce que quel que soit l'angle sous lequel je les regarde, ils sont tout aussi abrutis. » Alors, lui, il a commencé à explorer l'univers sur un défi. Son responsable, Bob Millikan, qui était prix Nobel de physique, avait prétendu que les rayons cosmiques étaient des particules qui étaient la signature de la présence divine dans l'espace interstellaire qui marquait la naissance des noyaux d'atomes, et il a été considéré comme un prophète des temps modernes par certains journalistes. Zwicky, qui était un scientifique assez matérialiste, ça l'a rendu foudrage. Il est allé voir le prix Nobel et lui a dit « Monsieur Millikan, j'ai lu tout ce que vous avez écrit, j'ai écouté toutes vos conférences, il n'y a rien de véritablement nouveau. » L'autre lui a dit « Très bien, jeune homme, et vous, moi, vous me posez une question et en l'espace de 2 ans, j'aurai une idée géniale. » Il lui dit « Très bien, l'astrophysique, les rayons cosmiques. » Donc la prétention de ce Zwicky reposait sur quelque chose d'étrange qu'il n'a pas nommé à ce moment-là et dont on pense aujourd'hui que c'est une technique qu'il a développée pour essayer d'explorer le monde de l'ignorance. Pour Zwicky, lorsqu'il disait que les hommes étaient des abrutis sphériques, en général, ce qu'il voulait dire, c'était que si on pouvait dessiner la carte sur un papier de la manière avec laquelle nous explorons le champ des connaissances. Chacun d'entre nous, on peut se poser la question, est-ce qu'on explore le monde dans toutes ses dimensions ? Eh bien, on verrait que nous dessinons des formes, des morphologies qui sont très peu développées. Et il convient de les développer plus avant pour aller chercher dans des directions inattendues. Et comme lui-même ne pense pas être un génie, pardon, et qu'il pense lui-même être un abruti sphérique, eh bien, il utilise une technique pour ça. Et alors, cette technique, c'est ce qu'il appelle la technique de la matrice morphologique. Il a dit que si on suit cette technique, on devient tous des génies. Alors, qu'est-ce que c'est que cette technique ? C'est un peu simplistique, mais il dit, prenez une question, quelle qu'elle soit. Tout le monde peut s'amuser à ça. Prenez une question, par exemple, pour lui, c'était d'où viennent ces rayons cosmiques ? Et puis, vous prenez des concepts qui peuvent être associés à cette question. Étoiles, ciel, énergie, explosion, vitesse, etc. Et vous mettez ça dans une boîte. Et puis vous prenez chacun de ces concepts, vous les mélangez et puis vous faites des périphrases. Vous en extrayez quelques-uns et vous faites une phrase. Et des phrases complètement absurdes vont sortir et certaines vont vous donner des idées complètement nouvelles. Par exemple, explosion d'étoiles projette des particules dans l'espace qui font des rayons cosmiques. Et c'est comme ça, par exemple, qu'il a pu imaginer cette idée-là. On n'en est pas sûr parce qu'il n'en a pas laissé la trace. Mais vous pouvez vous amuser à poser une question à laquelle vous n'avez pas de réponse et à mettre en forme tous les concepts qui vont avec. Et cette technique-là, il pense que ça peut nous aider à avancer. Alors, on peut, avec le recul, se rendre compte que Zwicky a inventé les étoiles à neutrons, les supernovées, a découvert la matière noire, a inventé le phénomène de l'antigravitationnel, et donc il a complètement explorer le champ de notre ignorance de manière bien plus avancée que beaucoup d'autres. Et pourtant, en conclusion, eh bien, on arrive à dire que la plupart de la matière de l'univers qu'il a mis en avant est faite d'une nature qu'on ne comprend pas. Et donc, c'est ça pour moi la force de la connaissance scientifique, c'est d'être capable d'accepter le champ de l'ignorance qui est une tension qui nous aide à vivre, alors que les réponses toutes faites sont une façon de nous endormir. On peut comprendre aisément que des industriels du tabac, de la chimie, des mines aient intérêt à freiner, à empêcher les connaissances scientifiques de nuire à leur business. Et pour cela, produire de l'ignorance. Mais il est difficile de comprendre comment ils y parviennent aussi facilement avec des gens comme nous. Enfin, ne soyons pas modestes, des citoyens cultivés, érudits, informés. Oui, comment expliquer nos réactions souvent si tardives, si molles, face aux subterfuges, aux ruses des marchands de doute. À moins qu'il y ait en nous une propension à douter des connaissances, toujours prête à s'enclencher, un penchant pour l'ignorance. Mais alors, par quel mécanisme cognitif est-ce que nous nous transformerions en imbéciles sphériques ? Plonger dans le cerveau, la psyché, l'âme humaine, c'est donc imposer à notre quête. Après l'astrophysicien David Elbaz, nous passons le psychosociologue Sylvain Delouvet à la question. Est-ce que le doute nous déroute, nous encroûte ou nous coûte ? Le doute peut amener à une grande sensibilité, à une hypercritique. Parce que je doute, je suis capable de douter de tout. De tout ce qui m'entoure, des connaissances scientifiques, des autorités, de l'État, de l'institution, et par conséquent à développer cette fameuse hypercritique qu'on va pouvoir retrouver aujourd'hui dans les croyances conspirationnistes en particulier. L'ignorance, quant à elle, se situe à un autre niveau et l'ignorance peut être influencée par des caractéristiques, par des facteurs externes, par des facteurs sociaux ou psychosociaux. Je vais prendre un premier exemple dans lequel les conditions dans lesquelles nous sommes vont favoriser cette ignorance. Ce que je voudrais expliquer, c'est que parfois, nous sommes contraints à adhérer à l'ignorance, en quelque sorte. Prenons une expérience ancienne, classique, menée par Milgram dans les années 60, à la fin des années 60 aux États-Unis. Stanley Milgram, le grand psychologue qui a travaillé sur la soumission à l'autorité, à cette époque-là, un petit peu avant, fait l'expérience assez amusante suivante. Nous sommes dans les rues de New York et ces sujets, ces participants, seront 1500 piétons. La situation est extrêmement simple. Il va demander à un individu de s'arrêter dans la rue et de regarder très haut au 48e étage d'un immeuble pendant 10 secondes. Puis de repartir. Ça, c'est la première condition expérimentale. Il y aura différentes conditions expérimentales, puisque ce seront soit 1, 2, 3, 5, 10 et même 15 individus qui s'arrêteront en même temps et regarderont au 48e étage. Ce qui va intéresser Milgram et ses collaborateurs, c'est de vérifier ce que vont faire les autres. Bien entendu, il ne se passe strictement rien au 48e étage de cet immeuble. Et ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'il y a un seul individu qui s'arrête et qui fixe ce point, seulement 4% des passants font la même chose. Et bien entendu, plus il y a de personnes qui s'arrêtent et qui fixent ce point-là, et plus les personnes s'arrêtent, ça monte jusqu'à 80% des piétons. Lorsqu'il y a plus de 10 personnes qui s'arrêtent, 80% de celles et ceux qui passent à côté vont faire la même chose. On est ici dans un phénomène qu'en psychologie sociale, on appelle l'ignorance collective. Autrement dit, quand on est dans une situation un petit peu inconnue, quand on ne sait pas comment agir, ce sont les autres qui vont nous servir de guide. Mais là où ça devient particulièrement intéressant, pour nous psychologues sociaux, c'est que les autres, ils ne savent pas non plus comment se comporter. Autrement dit, je vais regarder mon voisin pour savoir quoi faire, quand mon voisin va me regarder pour savoir quoi faire. Pour Sylvain Delouvet, l'humain préfère donc être ignorant avec tout le monde plutôt que seul et bien informé. Il aime jouir de rumeurs simplistes mais enrobées de mystères. Il rechigne aux savoirs complexes car il lui faut les démêler. Mais vous, mais moi qui nous passionnons pour la vérité, serions-nous égarés dans un monde qui se voue à l'ignorance ? Pendant très longtemps, on a considéré que les théories du complot, que les croyances conspirationnistes étaient totalement folles ou irrationnelles. On a aussi considéré pendant très longtemps que les théories du complot étaient simplistes. Il suffit de se confronter à quelques théories récentes, du 11 septembre au vaccin en passant par le réchauffement climatique, pour s'apercevoir que bien souvent les discours autour de théories du complot semblent très complexes. Avec énormément d'explications, énormément d'éléments, de termes techniques, nous renvoyant à un vaste système complexe. Mais finalement, si on prend un petit peu de recul, si on repousse un peu cette complexité, la trame elle est toujours identique. Un petit groupe agit dans l'ombre à son propre bénéfice, aux dépens de nous. Vous pouvez prendre le 11 septembre, les vaccins, le réchauffement climatique, l'élection de tel homme politique ou de telle femme politique. Enlever l'habillage de complexité, on a une explication simple. La science, finalement, fait presque l'inverse. Le discours soi-disant complexe relève uniquement de la précision. Et derrière une explication scientifique, il y a souvent peu de simplicité. Donc, dans le fonctionnement de l'être humain, on peut avoir l'impression que des producteurs d'ignorance vont utiliser la complexité, mais c'est pour mieux entériner, pour mieux appuyer sur leur point de vue qui, lui, est totalement simpliste. Nous frappons à la porte de Gloria Origi, philosophe, chercheuse à l'École des hautes études en sciences sociales, qui tente de dessiner la carte de nos passions épistémiques, autrement dit, notre relation émotive à la connaissance, au premier rang desquelles, notre goût de la vérité. La vérité est une passion qui peut être positive et négative, parce que penser qu'il y a une vérité quelque part que quelqu'un nous cache, ça crée les pires fantasmes sur ce qu'une société décente devrait pouvoir partager comme connaissance. On sait tout très bien qu'il y a une grande partie des choses qui ne sont pas dites, qui ne peuvent pas être dites, qui sont confidentielles, qui sont sous secret d'État ou qui sont sous... Et disons justement, l'ajustement entre vérité et mensonge qu'une société doit être capable de garder l'équilibre entre vérité et mensonge pour marcher, est très compliqué, justement. Enfin, la vérité, si ça tombe du ciel, bon, d'accord, peut-être ça nous intéresse, mais faire un grand effort pour la chercher, ce n'est pas vraiment le but et ce n'est pas même la fonction, je trouve, dans une démocratie, disons, du public. La vérité, dans une société, la vérité utile, c'est un ajustement. Un ajustement de ce qu'on peut dire, ne pas dire, de ce qu'on peut faire, ne pas faire, et de ce qu'on peut présenter comme acceptable. Et donc, bien sûr, un expert aura peut-être des connaissances très, très pointues sur un sujet, par exemple, je ne sais pas, les effets des perturbateurs endocrinologiques. À la fin, ce qui va devenir la vérité, ça veut dire, c'est ce qu'on pourra transformer dans une loi, droit, dans une procédure, c'est ce qu'on pourra vendre ou ne pas vendre, acheter ou ne pas acheter, c'est le résultat d'un ajustement. Le savoir comme l'ignorance sont bien distribués dans la société, sont distribués d'une certaine façon, d'une façon assez... Il y a une distribution de l'ignorance comme il y a une distribution du travail cognitif, et donc je pense que l'attitude, à moi, la posture que je n'ai pas dans mes recherches, et que je n'aime pas en général, c'est de penser, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens sont ignorants. Enfin, il y a un public d'ignorants, il faut l'éduquer avec une nouvelle mission d'éducation du peuple. Enfin. Si les vérités scientifiques ne sont que des compromis, n'arrive-t-il pas quand même que de nouvelles connaissances bousculent les savoirs établis, rendent obsolètes des certitudes scientifiques et classent comme ignorants ceux qui s'y accrochent obstinément ? Alors, on a en tête, bien sûr, dans le passé, l'Église interdisant à Galilée de dire que la Terre bouge, qu'elle n'est pas au centre du monde. Mais à cette époque-là, l'Église était menacée par le protestantisme et donc il y avait un conflit sous-jacent. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus subtil. Aujourd'hui, personne ne va vous interdire de penser quoi que ce soit. Et si une petite observation modérément solide conforte la vision, alors on va la publier. Si une observation beaucoup plus forte, mais ne confortant pas la théorie, est découverte, on va réfléchir à deux fois avant de la publier. M'est arrivé ça, un jour, en étudiant un trou noir, un quasar, c'est-à-dire un objet qui produit beaucoup de lumière et qui est censé être un trou noir qui mange une galaxie, mais qui n'avait pas de galaxie autour de lui. Et donc, c'était un cas mystérieux. Les auteurs de cette découverte ont lancé ça comme ça sur la voie publique, hein, à travers un article. J'en ai parlé à des théoriciens qui tout de suite m'ont proposé des théories, sans laisser la question ouverte. Ça m'a un peu étonné. Et puis, j'ai cherché par des observations à voir s'il n'y avait pas de la poussière qui cachait la galaxie. Au final, ce que j'ai découvert, c'est que ce quasar projetait un jet de matière qui donnait naissance à une flambée d'étoiles et pratiquement à une galaxie tout entière à côté de lui. Et donc une galaxie était en train de naître sous l'effet d'un trou noir, ce qui est complètement à l'inverse de ce que la théorie actuelle pensait, qui était que les trous noirs étaient des tueurs de galaxies. J'ai écrit l'article en pensant passer inaperçu. On m'a proposé de faire un communiqué de presse qui a été fait. Ça a fait la une des journaux. Et mes collègues scientifiques m'ont dit « Non mais tu te rends compte ?» Et j'ai été confronté effectivement à un petit défi qui était... Peut-on parler de quelque chose qu'on observe, mais dont on n'est pas capable tout de suite de donner la théorie qui va avec? Je l'ai fait parce que j'avais un poste permanent, parce que, etc. Mais je pense qu'un jeune scientifique aujourd'hui qui serait dans une période de thèse et qui ferait une découverte improbable pourrait ne pas la nommer. Et s'il m'écoute, j'ai envie de lui dire, s'il te plaît, nomme-le. N'hésite pas, fais-le, parce que ce n'est pas si tu le fais que ta carrière est finie. C'est si tu ne le fais pas qu'elle n'a pas commencé. La science est une entreprise de scepticisme organisé. Moi, je commence toujours mes cours en sortant un paquet de cigarettes sur lesquelles il y a écrit « Fumer tue » ou « Fumer cause la mort de vos enfants, des choses horribles, etc. » Mais maintenant, en plus, il y a les images. Et je dis « Mais pourquoi vous croyez à ça ?» Et mes étudiants répondent « Oui, non, ça dépend, la plupart, c'est oui. » Et pourquoi vous croyez à ça ? Est-ce que vous avez jamais questionné cette affirmation et pourquoi vous la croyez ? Alors, vous avez tout type de justifications, bien sûr, mais parce que ma tante fumait, elle est morte d'un cancer, parce que quand je fumais, je toussais, etc. Et bien sûr, enfin, si vous raisonnez bien, enfin, pourquoi vous croyez, pourquoi vous faites confiance à cette information? D'abord, parce que c'est bizarre qu'un produit qui veut se vendre dit de lui-même qu'il est mortel, donc ça veut dire qu'il est obligé à le dire, et qui est-ce qui a accès à cet espace de parole? C'est une instance à laquelle je fais confiance, comme un ministère de la santé, etc. Et donc c'est à partir de tout ce, disons, ce travail de scepticisme que j'arrive à justifier ma propre croyance. C'est un travail qu'on fait assez peu normalement, mais c'est un travail qui n'est pas très, très compliqué. Je pense que là, on pourrait faire quelque chose vraiment d'utile. Aussi dans la façon où on organise les débats publics, aussi dans la façon où on se donne la parole. C'est vrai que sur ça, les scientifiques sont très spéciaux. Enfin, c'est pas les meilleurs invités à un dîner. Enfin, mais moi, ça m'arrive très souvent de travailler à la Commission européenne, là où il y a vraiment la tension entre politique et science. Et voilà, je veux dire, les scientifiques se fâchent, ils disent, mais ces gens qui ont du pouvoir politique, de l'argent, etc., n'ont jamais fait des études sérieuses, ne connaissent rien à la physique, etc. Mais ils ont d'autres compétences. Enfin, je veux dire, c'est pas, je ne serai pas pour une république à la Platon avec les sages au pouvoir. Chacun fait son morceau, quoi. Et alors, si c'est pas les parents, si c'est pas la société, si c'est pas un choix, qu'est-ce que c'est? C'est naturel. Woo! Ah, explication. Si toutes ces influences extérieures qu'on vient de lister n'ont pas d'impact sur notre orientation sexuelle, c'est parce qu'elle est déjà décidée à notre naissance. Et ce n'est pas génétique. Si c'était génétique, le gène aurait forcément disparu. Les homosexuels ne procréant pas. Non, c'est beaucoup plus dingue que ça. Le biologiste Jacques Balthazar a rapporté des avancées extraordinaires sur le sujet. Je m'intéresse à ses écrits depuis un an et demi, deux ans, et c'est ouf. Il explique que la majorité des garçons, au stade embryonnaire périnatal, juste avant de naître, connaissent un pic de testostérone à un moment précis qui va déclencher le développement d'un noyau dans le cerveau, dans l'aire préoptique. Les femelles n'ont pas ce pic de testostérone, leur noyau ne se développe pas. Les mâles avec leur grand noyau seront attirés chimiquement par les hormones femelles, et les femelles avec leur petit noyau seront attirées par les hormones de mâles. Mais chez certains mâles, toujours le même pourcentage dans la population, le pic de testostérone n'a pas lieu au moment de la formation du noyau, qui reste petit. Et oui, tous ces mâles à l'âge adulte vont avoir une attirance vers les autres mâles. De la même manière, un certain pourcentage de femelles connaissent un surplus de testostérone embryonnaire qui va faire gonfler le fameux noyau de l'aire préoptique comme celui d'un mâle. Et oui, toutes ces femelles seront plus tard attirées par d'autres femelles. C'est un truc de dingue! Et Jacques Balthazar décrit des expériences menées sur des souris. Les gars ont manipulé eux-mêmes le rush de testostérone au bon moment de la vie embryonnaire des souris. Et ils ont fabriqué des souris homosexuelles, des souris hétérosexuelles, à leur convenance, tranquilles, au KLM. Encore plus féroce, une fois les souris nées, les savants peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent mettre les souris dans n'importe quelle condition, entourées uniquement de femelles ou que de mâles, leur refoutre des injections d'hormones dans tous les sens à l'âge adulte, rien n'y fait. Passer ce stade embryonnaire. La science ne tombe pas toute cuite dans nos assiettes. Des cuistots nous la concoctent, nous la rendent digérable. Mais dans leur cuisine, il arrive qu'ils nous fassent passer des châtaignes pour des truffes. Odile Fillot se présente comme une scientifique indépendante. Elle anime un blog appelé Observatoire critique de la vulgarisation. Odile Fillot goûte à tous les plats, surtout ceux qui portent sur les questions de genre. Dans une population doit avoir une fonction dans la régulation, l'équilibre ou la prospérité. Odile Fillot, peut-être commencer s'il vous plaît par nous raconter comment cette vidéo dont on va parler vous est arrivée. En fait, tout simplement, c'est une vidéo qui a fait un tabac énorme sur Internet en très peu de temps. Pour vous donner une idée, donc elle a été au départ publiée sur Facebook, sur une chaîne Facebook de vidéos. Et en 15 jours, elle a été vue 6 millions de fois. Et ce qui m'a décidé à y réagir, c'est notamment un enseignant de SVT, donc Sciences de la Vie et de la Terre, et il m'a dit, mais il faut vraiment faire quelque chose, parce que je vois des collègues qui disent, cette vidéo est super, je vais la passer à mes élèves, et c'est tout simplement pas possible, parce que c'est un tissu de choses fausses. il y a une demande sociale en fait pour ce type d'explication. À l'heure actuelle, il y a quand même majoritairement maintenant une très grande tolérance entre guillemets vis-à-vis de l'homosexualité. La plupart des gens, sont contents de disposer d'un argument contre l'homophobie. Et cet argument-là, il est vraiment, il est presque parfait puisqu'il dit, c'est déterminé à la naissance. Et c'est biologique, c'est entièrement biologique, donc c'est super, ça permet de dire l'homosexualité n'est pas le résultat d'un développement psychologique anormal, c'est pas dû non plus à des carences parentales, c'est pas non plus un choix qu'on pourrait reprocher aux personnes concernées, il n'y a pas non plus à craindre que l'homosexualité se propage par contagion, puisque de toute façon, ça se décide biologiquement avant la naissance. Il explique que la majorité des garçons, au stade embryonnaire périnatal, juste avant de naître, connaissent un pic de testostérone à un moment précis qui va déclencher le développement d'un noyau dans le cerveau, dans l'aire préoptique. Les femelles n'ont pas ce pic de testostérone, leur noyau ne se développe pas. Les mâles, avec leur grand noyau, seront attirés chimiquement par les hormones femelles, et les femelles, avec leur petit noyau, seront attirées par les hormones de mâles. Mais chez certains mâles, toujours le même pourcentage dans la population. Cette explication, je pense qu'elle a eu du succès parce que, elle répond de manière qui paraît optimale à cette demande que les gens ont d'avoir ce type d'explication. Et puis, elle a quand même un certain nombre d'atouts pour avoir autant de succès. Déjà, c'est une explication qui est extrêmement simple, vous l'avez entendu, c'est super simple. Ensuite, c'est présenté comme un fait établi. Il dit, les scientifiques ont démontré que ce qui valait pour la souris vaut aussi pour l'être humain. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est qu'elle est plausible, elle paraît plausible, ces explications, par rapport à des choses qui sont dans la culture commune, à des représentations communes. Notamment, pour beaucoup de gens, il y a une fausse évidence qui est que, si la plupart des gens sont hétérosexuels, c'est parce que l'espèce humaine est prédisposée biologiquement à être hétérosexuel. Donc, dès l'instant où il y a cette idée, les gens se disent, finalement, si c'est déterminé biologiquement, on peut effectivement imaginer qu'il y a une espèce de bug qui se produit chez certaines personnes et qui fait que elles ne sont pas hétérosexuelles comme tout le monde. Une autre représentation qui est très prégnante, malheureusement toujours dans notre culture et qui est parfaitement en phase avec les vidéos, c'est l'idée que l'homosexualité, c'est en quelque sorte une inversion, comme on parlait des invertis au 19e siècle. C'est-à-dire qu'en gros, les hommes homosexuels seraient un petit peu efféminés quelque part, ou pas complètement masculinisés, et réciproquement, les femmes homosexuelles seraient un petit peu masculinisées quelque part. Donc en fait, la théorie qu'il explique, c'est exactement dans ce schéma-là. Bon, et puis il y a des mythes savants aussi en circulation, qui l'utilisent plus ou moins implicitement dans la vidéo, comme quand il parle à un moment du fait que on va être attiré par les hormones de mâle ou les hormones de femelle. En fait, il fait référence à la notion de phéromones. Donc vraiment, quand je dis un mythe savant, je pèse mes mots. Oui, mais justement, pour dégager la vérité scientifique, en tout cas la validité, la véracité scientifique, vous êtes obligé d'être très compliqué et finalement de me perdre, moi, grand public. Vous me perdez dans les détails qui sont vrais, alors que lui, il m'accroche avec des vérités qui sont fausses. Vous êtes pertinente, mais vous m'avez perdu. Il est impertinent et il m'a conquis. Il y a vraiment une habitude assez générale dans la vulgarisation scientifique qui est de se dire, de toute façon, les gens, ils attendent de la science qu'elle apporte des réponses. Donc, on va pas embêter les gens avec des débats, des controverses, des incertitudes, On va simplifier, on va dire c'est sûr parce que c'est ce que les gens veulent. En faisant ça, on pense promouvoir la science en disant, regardez, la science a des réponses à vos questions. Mais au contraire, je pense que c'est une espèce de bombe à retardement. Le risque, c'est que ça crée une défiance énorme vis-à-vis de la science et que ça fasse que les gens se disent, finalement, le discours scientifique, c'est un discours comme un autre, qui est basé sur du vent, ça n'est pas solide, donc finalement, il n'y a pas de raison de donner un statut particulier à ce discours-là. Et ça, c'est très grave, parce que ce qu'ils perçoivent comme étant le discours de la science, ce n'est pas le discours de la science, c'est le discours de gens qui vulgarisent la science, et ça n'a rien à voir. N'attendons pas, diffusons ce message, ce n'est pas notre environnement qui décide de notre orientation, ça ne s'attrape pas Alors arrêtons de cacher les yeux de nos enfants devant des images d'homos sur des affiches, dans des films. Arrêtons. Donc après que j'ai fait cette critique, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a des enseignants de SVT qui ont dit, bon, d'accord, on comprend que il y a des choses fausses dans cette vidéo, mais c'est tellement important de faire passer ce message global que l'homosexualité c'est naturel, que c'est pas grave, on va quand même le montrer à nos élèves. C'est pas grave. Et ça, moi, c'est ça qui me soucie beaucoup, parce que là, on est vraiment pas dans la démarche scientifique, on est dans de l'idéologie, et c'est ça me paraît assez grave que ça vienne se glisser jusqu'au cœur de l'enseignement scientifique à l'école. Produire de l'ignorance pour une bonne cause, falsifier des savoirs au nom de la tolérance. Notre quête nous désespère. Sommes-nous condamnés au consentement aveugle, aux emballements irréfléchis? Nous piétinons jusqu'à l'ICM, l'Institut de la moelle et du cerveau, et nous implorons Lionel Nakache, chercheur en sciences cognitives, de nous ouvrir le crâne. Pour moi, cette question de l'ignorance, elle renvoie évidemment à celle de la connaissance. Mais je crois que pour vraiment l'adresser, il ne faut jamais oublier que la connaissance, c'est avant tout une expérience subjective. Vous avez un individu qui dispose de son système, j'appelais ça un système de fiction-interprétation-croyance, c'est-à-dire qu'on se promène avec une vision du monde, des représentations, des croyances, mais des croyances même les plus banales, hein, ça on peut en discuter, mais par exemple le fait même d'être ensemble, j'adhère à l'idée, je tiens pour vrai l'idée que nous sommes ensemble dans cette pièce de l'ICM. Il s'avère que j'ai sans doute raison de prendre ça pour vrai, mais en permanence, ce que nous percevons, ce que nous pensons, nous le pondérons d'un certain niveau de croyance subjective. Donc on est de ce point de vue-là, on peut dire, des êtres de croyance au sens le plus général du terme. Hein. Je ne parle pas de questions chaudes des croyances religieuses ou idéologiques, etc. Mais on est des êtres de croyance, voilà. Quel que soit le contenu, ça on peut. Alors vous êtes comme ça. Et puis on interagit avec des informations, on pourrait dire. Et donc quand vous recevez une information, votre système X, il rencontre cette information Y, et au décours de cette expérience de connaissance, qui est donc le traitement subjectif de l'information, vous allez devenir un tout petit peu autre, un X prime, un différent. Comment une information peut bouleverser un système subjectif, et que le système n'étant plus le même, eh bien, d'une certaine façon, vous vous transformez, vous disparaissez un peu à vous-même, donc vous devez gérer ces conflits. Alors, est-ce que vous pourriez donner des exemples, peut-être, de cette forme de rencontre entre un être culturel, entier, avec ses croyances, et puis confronté à des informations, des exemples de dissonance, des exemples de dysfonctionnement. D'accord. Alors il y aurait deux aspects. Peut-être sur la dissonance. La dissonance, on l'utilise souvent vraiment initialement pour ces phénomènes sociaux. Alors, nous, on l'étudie au laboratoire, par exemple, depuis quelques années, de la manière suivante. Le phénomène de base de la dissonance, c'est le suivant. C'est qu'en général, on considère qu'en fait, dans la vie, on réalise nos décisions, nos choix, à la lumière de nos valeurs. Et la dissonance, elle vient ici inverser le mécanisme en disant « Oui, certes, cela existe, mais ce qui existe également, c'est que dès lors que vous commettez un comportement ou vous prenez une décision, etc., eh bien, vous allez devoir vous mettre aussi en accord avec cette décision. » Autrement dit, si vous êtes dans un contexte où la décision que vous prenez est un poil différente de vos valeurs, vous faites naître en vous un conflit. J'ai un conflit entre mes valeurs et mes comportements, et que pour solutionner ce conflit, il n'y a pas 36 solutions. Il y a soit d'oublier votre comportement, et on est assez fort hein, pour effacer, pour le déni, le refoulement conscient ou pas, en tout cas de plus prendre en compte ce qu'on a fait, ce qui ça sauve un peu notre système de valeurs. Et l'autre réaction, c'était évidemment, c'est, vous l'avez compris, c'est que une fois que vous avez fait quelque chose, eh bien, pour justifier la cohérence subjective de vos actions, vous allez changer à votre insu un peu vos valeurs. Les histoires classiques, les premières manips contexte années 50-60, c'est vous prenez des étudiants gauchistes, Berkeley des années 60, etc., et vous leur demandez de faire une disserte, par exemple, pendant 4 heures pour défendre le concept de peine de mort, finalement contre lesquels ils sont violemment opposés. À l'issue de ce truc, ou dans lesquels l'individu se investit, il joue le jeu, quoi, en fait, eh bien, en général, vous observez une tendance au fait que si vous réinterrogez ces mêmes sujets, qu'est-ce que vous pensez de la peine de mort, je veux dire. C'est la peine de mort, c'est une question compliquée. Hein. C'est évidemment des choses naïves, mais on peut pas avoir des positions. Et donc, en fait, on va voir ça à chaque fois. C'est-à-dire que le fait de faire quelque chose si vous vous souvenez de ce que vous avez fait, ce conflit interne entre vous et vos valeurs peut se manifester par un déplacement. Alors, c'est lié aussi à la question de la connaissance et de l'ignorance, c'est-à-dire que tenir pour vrai une information qui contrecarre votre système de croyance initiale, ça a fait générer ce genre de conflit interne, soit d'accepter de vivre l'aventure de plus être tout à fait le même, quitte à avoir un regard nostalgique sur celui que vous étiez avant et d'avoir un certain recul, ou bien ce conflit peut prendre d'autres formes, quitte à rejeter l'information que vous avez rencontrée ou à empêcher que cette information donne lieu en vous à des vraies transformations. Alors, une fois de plus, la neurologie peut nous permettre d'enraciner ces propos très généraux, hein, parce que ça, on peut le dire sans être neurologue, ce que je viens de vous dire, mais ce qu'on voit, nous, dans des situations cliniques, nous permet de mieux comprendre ça, oui. Vous savez qu'on a dans le cerveau deux hémisphères. Un hémisphère gauche qui, pour aller simple, parle. Donc quand nous parlons, la plupart d'entre nous, quand nous parlons, c'est l'hémisphère gauche qui est aux commandes. Et un hémisphère droit qui ne parle pas, mais qui peut comprendre du langage relativement simple, même des mots écrits, notamment des verbes, des mots d'action, des mots fréquents. Mais vous tenez pour acquis, chacun de ces hémisphères peut fonctionner consciemment. Et ce qui se passe de sympa, c'est que dans un cerveau qui va bien, les deux hémisphères dont je viens de parler, ils sont unifiés par une sorte de câblage nerveux qu'on appelle le corps calleux. Et donc, dans un cerveau normal, ces deux hémisphères spécialisés sont unifiés. Donc, il y a deux hémisphères, mais un cerveau, un esprit. Maintenant, il y a une situation neurologique très particulière où on opère des malades en coupant leur corps calleux. Donc, en réalité, on crée deux hémisphères qui ne communiquent plus entre eux. Alors, c'est pas pour faire des expériences, évidemment. À l'époque, c'était dans les années 60, c'est pour guérir certaines formes d'épilepsie. On appelle ça une callosotomie, et donc les patients, on les appelle ça des patients split-brain, cerveau divisé. Alors maintenant, on arrive quasiment dans l'expérience. Elle n'est pas de moi, elle est d'un collègue très, très important dans le domaine qui s'appelle Gazzaniga, Michael Gazzaniga, qui est aux États-Unis. Donc vous avez un patient comme ça, il y a des centaines d'histoires, je vous raconte une variante. Le patient est assis, on lui demande de fixer un écran. À un moment donné, vous allez afficher brièvement sur l'écran, à la gauche de l'écran, le mot « sortez ». Pourquoi à la gauche ? Alors, bonne question. Pourquoi la gauche ? Parce que je ne vous ai pas tout dit sur les voies visuelles, mais vous savez qu'on voit un peu, c'est comme en photographie, c'est croisé, les voies nerveuses. Donc, quand un mot est à gauche, l'hémisphère qui va recevoir l'information, c'est l'hémisphère droit. Et l'hémisphère droit, je vous l'ai dit, il peut lire, mais il ne peut pas parler. Donc, c'était à dessein. Très bonne question. Le mot « sortez » est affiché à l'écran. L'hémisphère droit du patient le lit. L'hémisphère droit conscient du patient comprend le mot et décide de jouer le jeu et d'obéir à la consigne. Donc il lance un programme moteur, le patient se lève de la chaise, se dirige vers la porte pour sortir de la pièce. Et là on arrive au moment critique de cette expérience clinique. Gazzaniga, qui est donc l'expérimentateur, il fait mine de s'étonner, il joue l'ingénu, il fait « Mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi est-ce que vous sortez de la pièce ?» Et à ce moment précis, en fait, il faut bien comprendre que quand Gazzaniga parle au patient, Gazzaniga sait que celui qui va répondre, c'est pas vraiment le patient, mais c'est l'hémisphère gauche du patient, l'hémisphère qui parle. Et plus important encore, Gazzaniga qui fait l'ingénu sait en fait que l'hémisphère gauche n'est pas au courant que le mot « sortez » a été présenté à l'hémisphère droit, qui ne peut plus communiquer avec l'hémisphère gauche à cause de la lésion du corps calleux. Donc Gazzaniga qui fait l'ingénu pose une question à l'hémisphère gauche en sachant que ce dernier n'a pas la bonne réponse. Il lui pose une question impossible. Il attend la réponse. Que va répondre ? Qu'est-ce qui se passe quand on ne connaît pas la réponse ? Est-ce qu'on va se dire « bah écoutez, c'est dingue, je ne sais pas ce qui m'arrive, je pourrais pas... » Eh bien non, typiquement, le patient va répondre « Écoutez, je crève de soif, je vais acheter un coca, je reviens » ou « Ma femme m'attend en bas, je lui donne les clés de la voiture et je remonte ». Le patient va produire un discours narratif, ce que j'appelle une fiction, à laquelle il croit. Ce n'est pas un argument d'autorité. Hein. Le patient, au moment où on lui pose la question, c'est ce qu'il croit, le patient, l'hémisphère gauche du patient, parce qu'il ne communique plus avec cet hémisphère droit. Et donc là, on voit ici comment un hémisphère gauche déconnecté va produire une narration explicative qui a une seule, on pourrait dire, économie psychique, une fonction de signification. ce récit fait sens pour l'hémisphère gauche, permet de comprendre la situation dans laquelle il vit. Ça, c'est un exemple. Et en neurologie, ça fourmille, malheureusement, de situations dans lesquelles on peut voir les faux souvenirs, les confabulations, la négligence d'un hémicorps qu'on ne reconnaît pas comme sien, etc. Mais une fois qu'on découvre l'ampleur de ces schémas narratifs, eh bien, toute l'astuce, c'est de revenir vers les sujets qui ne sont pas malades et de se rendre compte que c'est la même chose. Et là, on a plein d'exemples aussi, d'expériences plus subtiles, où on va voir que l'individu va chercher à produire un discours dont la fonction première n'est pas tant d'être en adéquation directe avec la réalité objective, si on veut l'appeler comme ça, mais dont la fonction directe est d'être une source de signification qui fasse sens pour le sujet dont on parle. Voilà. On est des êtres de fiction au sens où on fait sens des choses. Voilà. On ne peut pas s'empêcher de faire sens de ce qui nous arrive, de ce qu'on pense, trouver un sens à nos actions. Alors, tout ça est bien fait, donc la plupart du temps, nos histoires sont très bien contraintes par le réel. Donc c'est difficile de se rendre compte qu'on fictionnalise, si on veut dire, parce que la fiction est très bien contrainte. Et c'est là que la neurologie peut nous intéresser, c'est que, en découvrant chez des patients chez lesquels ça va moins bien, un discours narratif, une fiction consciente, qui est à des années-lumière de la réalité objective, vous vous rendez compte qu'il y a une distance, du coup que ça c'est un récit, c'est pas la réalité, et que c'est un récit qui fait sens pour le sujet. Mais une fois que vous avez compris ça, toute l'opération revient à venir chez des gens qui sont pas malades ou pas encore malades, et se rendre compte que là aussi, on fabrique du sens, simplement un sens mieux contraint. Les marchands de doutes avisés sauraient donc comment stimuler notre irrépressible tendance à fictionner, au détriment des connaissances qui nous encombrent et au bénéfice d'une ignorance qui nous rassure. Et si les sciences nous apparaissaient non plus comme une menace, mais agissaient sur nous comme un enchantement? Si vous pensez à la mécanique quantique, si vous pensez à les découvertes de la génétique, enfin, c'est vrai que on peut lire des romans, sur ça on peut faire des films. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui se fait rêver. Je pense qu'une personne jeune qui découvre que l'espace peut se courber, enfin, ça, c'est quelque chose quand même qui vous touche profondément. Je pense qu'une certaine forme de désenchantement vient sûrement des formes de production aujourd'hui, qui voient les scientifiques un peu comme un auto-entrepreneur, quelqu'un qui est reçu aujourd'hui dans la science, et quelqu'un qui trouve un petit domaine sur lequel il peut construire typiquement un brevet et créer un produit à un certain moment. Il faudrait réenchanter, si vous voulez, la science. Peut-être que ce qui est fini de la science, c'est son temps héroïque, enfin, des grands projets comme les grandes narrations aussi, qui comprenait tout l'univers, etc. Moi, je pense que ce qui peut réenchanter la science en ce moment, c'est une vraie inversion de la pyramide scientifique. Il y a une pyramide scientifique, une hiérarchie scientifique qui est fixe depuis Platon, Aristote, jusqu'à Auguste Comte, jusqu'aux auteurs contemporains. La physique, d'abord, jusqu'aux sciences les plus impures, comme la pédagogie ou des choses qui pourrait toucher aux enfants, ou les choses les plus, disons, concrètes et les choses les plus abstraites. Enfin, et là, je pense qu'on est dans un moment où on est tellement basculé au niveau cognitif, au niveau de technologie cognitive, au niveau de changement de filtrage de l'information, que cette pyramide peut vraiment sauter. On peut se rendre compte aujourd'hui, on peut par exemple réenchanter la science en pensant que la pédagogie, qui a été considérée par exemple une des sciences les plus faciles, les plus nulles, etc., peut devenir, disons, dans la pyramide de la science, la première science, et réinjecter dans la science une espèce de diversité cognitive, diversité culturelle qui pourrait la rendre une entreprise qui attire les gens, enfin, je veux dire, c'est attire les jeunes, attire pas seulement les jeunes, mais les bons jeunes, enfin, les meilleurs, enfin, je veux dire, c'est ça aussi qui est important, enfin, c'est attirer les meilleurs. Et je pense que le réenchantement, ça pourrait revenir si les châteaux, ces châteaux magiques, est reconstruit d'une façon complètement nouvelle, enfin, en mettant dans les fondements et sur les sommets des choses différentes. Et je pense que là, ça pourrait arriver. L'ignorance, c'est pas du tout l'absence d'information. Et c'est même souvent, au contraire, il y a de sacrées informations qui enracinent les ignorances. Alors, peut-être c'est ensuite un jeu de vocabulaire ou de sémantique, mais à la limite, moi, je mettrais l'ignorance au sein même de l'expérience de connaissance. C'est-à-dire que pour moi, l'ignorance, c'est une expérience de connaissance qui, si on veut donner un jugement de valeur, a mal tourné. C'est que si on vous prenait 3000 ans d'histoire européenne, le concept de connaissance, quels que soient les angles, hein, vous prenez la mythologie grecque, vous prenez la tradition judéo-chrétienne, vous prenez, je m'étais intéressé à la figure de Faust, etc. Vous allez trouver à chaque fois la même chose, c'est qu'on va affubler l'expérience de connaissance de deux facettes. À la fois quelque chose de vital, d'extraordinaire, sans doute la chose pour laquelle la vie a un sens, et en même temps, l'idée que la connaissance, que l'expérience de connaissance expose à un danger. Et ce que je trouvais fascinant, c'est quand vous sondez les gens voient tous l'expérience positive, dire la connaissance, c'est fabuleux, mais la notion de dangerosité de la connaissance a totalement disparu, elle est passée à la trappe. Il y a eu beaucoup, je pense, dans l'histoire, de solutions pour mettre de côté les risques de la connaissance. Et peut-être que la forme contemporaine de ces risques, il y en a plusieurs, mais celle qui est singulière aujourd'hui, c'est eh bien, d'appeler connaissance quelque chose qui n'est pas la connaissance. Il n'y a rien de mieux que de passer à côté du risque en faisant l'apologie de quelque chose qui n'est pas la connaissance, l'information. Alors au début du Moyen-Âge, les astronomes avaient repéré plein de petits points de poussière, les fameuses étoiles. Et avec ces étoiles, ils ont imaginé de nombreux dessins. Ces dessins, on les appelle les constellations. Eh bien, à peu de choses près, les constellations qui étaient utilisées à Rome au début du Moyen-Âge sont les mêmes que celles qu'on utilise maintenant. Alors là, je vais vous faire bosser un peu et faire appel à vos connaissances. Je vais vous demander d'essayer de retrouver dans ce ciel une forme très connue qui ressemble à une grande casserole. Alors attention, c'est une casserole qui est composée de 7 étoiles bien brillantes. Et comme on a été sympa, on l'a mise juste en face de vous. Ça y est, tout le monde a la casserole? Bon, je vais vous filer un petit coup de main, je vais la faire apparaître, elle est juste ici. Alors cette casserole, elle porte un nom bien particulier. On me dit la grande ourse devant, tout le monde est d'accord? Exactement, c'est la grande ourse. C'est bon, tout le monde voit bien l'ours? Ah, je ne vous ai pas dit, hein. Quand on fait de l'astronomie, il faut un peu d'imagination quand même. Alors, je vais vous donner encore un peu. Je me suis aperçu que toute l'histoire des sciences, c'était la même quête que celle qu'on avait commencée au niveau des premiers mythes primordiaux. L'axe du monde autour duquel le monde tournait, qui était un axe qui reliait les pôles de la Terre avec le ciel, était un cordon ombilical qui nous reliait à l'éternité. Et puis Copernic a dit non, le ciel ne tourne pas autour de nous, c'est nous qui tournons. Il a coupé le cordon ombilical, on a perdu le lien avec cette unité-là. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a transposé ce besoin d'une unité, d'une éternité, dans les lois de la physique. Et on n'a plus besoin de nommer les dieux dans le ciel, les dieux sont dans les mathématiques, dans les lois de la physique, dans l'infini nommé par Newton, etc. Il ne faut pas oublier qu'on a cette quête en nous de retrouver ce lien avec la mère qui nous a portés, avec l'unité d'où on vient, et se poser la question de savoir si ça peut nous conduire en erreur ou si c'est un principe qui est en nous parce que c'est une réalité. Je ne sais pas. C'est une question qu'on peut se poser, mais qui oriente la science. Inconsciemment, nous sommes... Et donc, autant être conscient de ce phénomène, plutôt que de faire croire qu'on est en train d'avoir une démarche qui est totalement objective. Ignorant pour ne pas s'isoler socialement, ignorant parce qu'on doit consentir à des vérités relatives, ignorant par idéologie, ignorant pour supporter l'idée de savoir ou l'idée de ne pas savoir. Bref, l'ignorance nous va si bien parfois qu'il faudrait s'en faire une raison ou se méfier de ceux qui la flattent. Quand on préfère ne pas savoir, un documentaire de Franck Cuvelier avec la complicité scientifique de Mathias Girel, directeur des études du département philosophie, École normale supérieure de Paris. Avec David Elbaz, astrophysicien, chef du laboratoire cosmologie et évolution des galaxies au CEA. Sylvain Delouvet, chercheur au laboratoire de psychologie de l'Université de Rennes. Gloria Origi, philosophe, directrice de recherche au CNRS. Odile Fillot, chercheuse indépendante en sociologie des sciences. Lionel Nakache, chercheur en neurosciences à l'Institut de la moelle et du cerveau, Paris. Prise de son, Yann Fressy, Yvan Charby. Recherche INA, Linda Simon. Mixage, Alain Joubert. Coordination, Perrine Kervran, Marie-Vonne Abolivier. Réalisation, Rafik Zénine. LSD, la série documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez tout oublier, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour y croire ou nous réécouter pour mieux douter, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez nous trouver aussi sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, dernier épisode, financer la science et récolter l'ignorance. Et pour continuer à comprendre comment se diffuse l'ignorance et surtout pour y résister, à partir de cette semaine, France Culture et France Info proposent ensemble un podcast hebdomadaire pour démonter les fausses nouvelles. Une version courte sera aussi disponible sur le site en images. Ça s'appelle évidemment Les Idées Claires et c'est avec Nicolas Martin. Et pendant encore une semaine, pour prolonger la semaine 68, vous pouvez regarder gratuitement sur la plateforme Tank du documentaire d'auteur, notre partenaire, Phare, Front homosexuel d'action révolutionnaire, le film de Carole Rossopoulos réalisé en 1971. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission.